On s'est construit ensemble, on avait tant de rêves. Il ne reste plus que des cendres et un temps de grêle, temps de grêle. Si je pars avant, je t'avais dit, je t'attendrai, t'attendrai. Tu es parti, j'ai connu une pute depuis in. Reste plus d'espoir, d'espoir. J'ai vu mon pote passer d'être humain à étoile, étoile. J'ai pleuré toutes mes larmes, seul et dans le noir. Jamais ils ne sont revenus, revenus. Qui m'a pas cru, m'a pas aidé, m'a même pas soutenu, soutenu. J'avancerai l'âme en deuil, j'écris ma légende. Absent qui niquera mes plans. La mort ne me fait pas peur, mais la vie m'effraie tellement. Je vais trouver l'âme, sans barrer avec deux, trois poteaux. Tu fais une sale gueule, on t'enverra deux, trois photos. La route du succès est longue, je n'ai que mes pieds pour me traîner. Je vais pas cirer des pompes, je ne vais pas freiner. Rancunier comme la mafia calabraise, mental de Yougoslave, on ne s'attaque pas à l'Est. Le roi de retour, excuse, excuse, tu étais sur le trône, tu ne l'es plus. Les coups de pute m'ont coûté plus que mes goûts de luxe. L'enfer c'est les autres, depuis jeune les écoute plus. Gentil garçon, je fais de la musique, c'est honorable. Balkanique sans pardon, tu payeras Gomorra. Ils veulent de belles paroles, oubliées sous alcool. Pendant que leurs parents dorment, que la vie n'est pas drôle. De quoi me parles-tu, je m'en bats les couilles de ton avis. Je ne t'ai jamais trahi, moi je n'ai pas sissu toute ma ville. J'ai connu une pute depuis in, reste plus d'espoir, d'espoir. J'ai vu mon pote passer d'être humain à étoile, étoile. J'ai pleuré toutes mes larmes, seul et dans le noir. Jamais ils ne sont revenus, revenus. Qui m'a pas cru, m'a pas aidé, m'a même pas soutenu, soutenu. J'avancerai l'âme en deuil, j'écris ma légende. Absent qui niquera mes plans. La mort ne me fait pas peur, mais la vie m'effraie tellement. J'ai connu une pute depuis in, reste plus d'espoir, d'espoir. J'ai vu mon pote passer d'être humain à étoile, étoile. J'ai pleuré toutes mes larmes, seul et dans le noir. Jamais ils ne sont revenus, revenus. Qui m'a pas cru, m'a pas aidé, m'a même pas soutenu, soutenu. J'avancerai l'âme en deuil, j'écris ma légende. Absent qui niquera mes plans. La mort ne me fait pas peur, mais la vie m'effraie tellement.